Comme un air de ma génération, la mélodie va te piquer, c'est pour tout le monde, pas de ségrégation. Je voyais les petits paniqués, je t'emmène en voyage dans le temps, même si de base t'es pas trop OP. L'époque des boom bap, l'époque où je regardais le club Dorothée. Passionné de foot, avant c'était pas CRMS. Si on faisait du sale à la TC, ils appréciaient. Tous prenaient pour Ben et Oli, c'était précis. Ah, en cas d'embrouille, ça se prenait pour Kenshiro. Mais t'es allé en balle quand retentissait le bruit des gyros. Y'a pas de pitié pour les croissants, non, non, non. Laisse-moi tirer le poisson pour être un super-héros sans pétard ni boisson. Le hip-hop est une passion, hein, Nicky Larson. On est toujours ok, génération Dorothée, G-Ace, demi-P, toute l'équipe à côté. Power Rangers ça sauté, nouveau panorama. On est dans la capsule, Akira Toriyama. On était in the club avant 50. Doro nous a jeté dedans et les guettés. Et si t'étais pas dans ces bails, t'as raté un truc qui graille. Oh oui, la number one des OG. On était in the club avant 50. Doro nous a jeté dedans et les guettés. Et si t'étais pas dans ces bails, t'as raté un truc qui graille. Oh oui, la number one des OG. J'déteste Ségolène Royal, gros y'a pas de recours. C'était soit Dorothée, soit le bat de nos tours. Pour passer les obstacles, fallait que j'en fasse beaucoup. J'étais le Black Goku, avant Black Goku, yeah. J'étais dégoûté, mais tout s'arrête un jour. En vérité, rendez-nous Dorothée, reprenez Zemmour. J'veux un nuage magique, fuck, t'as mes bacs. Dans mes sons, le chevalier Iki et Niki font mes bacs. Je n'avais pas de limite, j'bouffais des anus toute la journée, j'connaissais par mes dents. À chaque découverte, j'étais choqué. Tous les génériques de Bernard Minimino, j'étais comme animé par Goku face à la menace. Qui finissait par la miner, Olivier dans ma midi. Tous les débats avec Mehdi. Pour me rappeler de Ken et Sensei, de temps en temps je médite. Je remercie le club d'eau pour avoir comblé mes après. Y'a qu'avant que je me disais que ce serait mieux après. On était in the club avant 50. Doro nous a jeté dedans et les guettés. Et si t'étais pas dans ces bails, t'as raté un truc qui graille. Oh oui, la number one des OG. On était in the club avant 50. Doro nous a jeté dedans et les guettés. Et si t'étais pas dans ces bails, t'as raté un truc qui graille. Oh oui, la number one des OG. Un peu d'amour, y'a pas que la haine. Ma daronne s'appelle Dorothée. Elle met le feu dans ma boîte crânienne. Au CE2, même pas la moyenne. J'm'en bats les noisettes. J'étais en live quand Goku est devenu Saiyan. Incollable en animé, frère, j'connais tout, tout, tout. De Bioman à collège, fou, fou, fou. J'avais pas de thune, moi. Y'avait pas de street, pas de caille. J'voulais la culotte de Bulma et Flo à Tao, bye, bye. On était in the club avant 50. Doro nous a jeté dedans et les guettés. Et si t'étais pas dans ces bails, t'as raté un truc qui graille. Oh oui, la number one des OG. On était in the club avant 50. Doro nous a jeté dedans et les guettés. Et si t'étais pas dans ces bails, t'as raté un truc qui graille. Oh oui, la number one des OG. This is a character.